sociale, les politiques publiques, les valeurs. Et il co-dirige, d'abord il a co-dirigé avec Pierre Bréchon un livre très bien fait sur l'atlas des valeurs des Européens, comme ça, donc un ensemble de cartes des valeurs en Europe. Et il co-dirige un livre à paraître sur les valeurs des Européens avec Pierre Bréchon, un livre d'ailleurs auquel on contribue avec Yannick parmi beaucoup d'autres chercheurs. Voilà. Et donc, je lui ai demandé de bien vouloir venir nous parler de ses travaux. Je crois qu'il est en train de préparer un article pour la revue française de sociologie, si, oui. sur un sujet proche de celui dont tu vas nous parler absolument aujourd'hui. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de l'évolution des attitudes économiques des Européens, essentiellement à partir de l'exploitation des enquêtes sur les valeurs. Alors, je lui passe la parole pour, je ne sais pas, une quarantaine de minutes, quelque chose comme ça. Si peu. Tu ne m'avais pas donné de consigne précise, donc j'ai fantasmé un temps d'allocution, une scène d'une durée exceptionnelle, mais je pourrais m'ajuster chemin faisant. Oui, non, pas bon, on verra, mais il ne faut pas que ce soit trop... Il faut qu'on ait un temps pour la discussion. Ok. Je te passe la parole. Tout d'abord, bonjour. Je suis content d'être parmi vous. Je remercie beaucoup Olivier de cette invitation qui, comme il l'a dit, portait initialement sur un papier que j'ai présenté à la Revue française de sociologie et qu'Olivier m'avait invité à venir exposer devant vous. Alors depuis que le papier a été déposé et envoyé à la Revue française de sociologie, des choses se sont passées, de nouveaux développements, de nouvelles pistes d'interprétation, de nouvelles idées de réflexion sont venues à l'esprit. Donc ce que je vais vous présenter, ce n'est pas véritablement le papier à paraître, mais c'est plutôt quelque chose plutôt une série de rebonds à partir des résultats de ce papier. Donc c'est plutôt de l'ordre du working paper et du work in progress que du texte abouti. Autrement dit, l'idée, plutôt que de présenter des résultats bien stabilisés, c'est plutôt de réfléchir, et voire de réfléchir ensemble sur des hypothèses de recherche. Et il y a notamment quelques points qui restent encore énigmatiques dans les résultats interprétés et qui me plairait beaucoup de discuter avec vous. Alors le point de départ de la réflexion autour des attitudes économiques des Européens, c'est le thème de la convergence des valeurs, la convergence des attitudes, la convergence des comportements. Autrement dit, l'idée qui est un petit peu dans le sens commun, selon laquelle la mondialisation, elle entraînerait une uniformisation des attitudes. Un peu la McDonaldisation du monde, pour dire ça trivialement. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ, ma question de recherche, ou plutôt mon interpellation initiale. Si on se tourne non plus vers le sens commun, mais vers la littérature, cette thèse de la convergence des valeurs, elle n'est pas également bien étayée dans tous les domaines. On sait aujourd'hui qu'elle est assez discutable en matière morale, en matière de mœurs. On sait, ça a été montré par la sociologie française des valeurs à travers différents papiers, différents articles, les différents livres qui ont été édités par Pierre Bréchon, qui ont été coédités par Pierre et Bréchon et Olivier Galland. Ça a également été montré par la sociologie américaine des valeurs autour de Pippa Norris et de Ronald Engelhardt. Donc on sait en matière de morale qu'il n'y a pas vraiment de convergence des valeurs. On sait que les pays évoluent à peu près au même rythme, dans le sens d'une plus grande tolérance, d'une plus grande égalité vis-à-vis des mœurs familiales, vis-à-vis du mariage, vis-à-vis des rapports sociaux de sexe. Donc ça évolue, mais ça évolue en parallèle, à peu près au même rythme, et ça ne converge pas. Donc la littérature nous dit que la thèse de la convergence des valeurs en matière morale n'est pas empiriquement avérée. Si on regarde la littérature, ce qu'elle a à nous dire sur la question de la convergence des valeurs économiques, et bien là, les choses sont beaucoup plus énigmatiques, voire même beaucoup plus controversées. On trouve deux thèses, deux séries de thèses un petit peu antithétiques. D'un côté, on a des thèses qui nous disent que la globalisation, elle va entraîner une uniformisation des attitudes économiques, ce qui va à terme, tout le monde développant les mêmes préférences économiques, plutôt dans le sens du plus de capitalisme, plus de libéralisme, ça entraînerait ça conduirait à gommer les différences entre les pays. On a une autre série de thèses qui nous dit exactement l'inverse, qui nous dit que les tendances à l'homogénéisation économique, elles sont plutôt contrecarrées. Alors contrecarrées, soit parce que au niveau national, il y a des spécificités culturelles qui sont absolument irréductibles, c'est la thèse culturaliste, soit parce que les tendances vers l'homogénéisation, elles seraient nuancées par le poids des héritages institutionnels nationaux. Donc là, on ne retrouve pas les théories culturalistes, on trouve plutôt les théories institutionnalistes ou néo-institutionnalistes qui nous disent qu'il y a des arrangements institutionnels qui contribuent à invétérer dans les mœurs des normes sociales spécifiques et qui contribuent à maintenir les différences entre les pays. Alors, évidemment, ni l'une ni l'autre de ces deux thèses apporte de réponses véritablement satisfaisantes. Donc le point de départ de mon travail, c'est de questionner la convergence, cette thèse de la convergence des valeurs économiques en examinant la manière dont les attitudes économiques des Européens ont évolué depuis les années 80. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément la littérature sur les attitudes économiques, en sociologie et même plutôt en sciences politiques, la question des changements de comportement en matière économique, elle est généralement abordée à partir de deux perspectives. D'un côté, on a les tenants d'un paradigme qu'on a qualifié de minimaliste, et pour les tenants du paradigme minimaliste, les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention à l'économie, et donc ils n'ont pas beaucoup de connaissances pour se former des opinions sur les questions économiques. Dans ces conditions, pour les tenants d'un paradigme minimaliste, les attitudes économiques, elles sont très erratiques, très superficielles, les gens changeant à peu près de point de vue à chaque fois que la conjoncture change. Autrement dit, les opinions ou les attitudes économiques, ce ne sont pas vraiment des opinions, ce ne sont pas vraiment des attitudes, ce sont ce que Converse a appelé des pseudo-opinions ou des non-attitudes. En réaction contre cette approche, on a plusieurs études qui ont mis en avant que les gens ordinaires, ils sont quand même capables de raisonner. Ils sont quand même capables de raisonner sur les questions politiques et sur les questions économiques. Et alors, il y a toute une série de thèses autour de Zahler, Snyderman, Popkin dans la science politique qui développent cette idée-là, que les gens ne sont pas des idiots culturels, qui malgré tout peuvent utiliser des shortcuts, des heuristiques pour arriver à se forger des opinions qui sont un petit peu consistantes. Et un autre argument a été versé à l'appui de cette thèse, qui est l'idée que l'opinion publique, elle se mesure pas tant au niveau individuel qu'au niveau agrégé. Autrement dit, au niveau individuel, les gens peuvent se tromper, ils peuvent commettre des erreurs de raisonnement, mais dans l'agrégat de l'opinion collective, ces erreurs de raisonnement, ces fautes heuristiques, elles sont corrigées. De sorte que, pour toute une partie de la sociologie politique, notamment américaine, l'opinion publique mesurée au niveau agrégé, c'est un meilleur indicateur des préférences des citoyens que les opinions simplement individuelles. Pardon, je peux t'interrompre, Eric, sur ce point, parce que je ne comprends pas comment, si c'est agrégé, c'est peut-être plus représentatif, mais ce n'est pas nécessairement plus correct. Les gens qui se trompent dans un sens vont être corrigés par ceux qui se trompent dans l'autre sens. Oui, mais que ce soit représentatif, ce n'est pas la même chose, que ce soit correct ou pas correct. Tu dis que c'est plus représentatif ou plus correct? Je dis que ça donnait un meilleur indicateur des préférences politiques des citoyens. Pas qu'elles soient correctes ou pas. Alors, représentatif au sens statistique ou correct? Non, ça corrige pas les erreurs de raisonnement, et ça corrige des écarts statistiques, des écarts à la moyenne, la moyenne étant supposée donner la véritable... C'est juste une précision, parce qu'il y a aussi des thèses qui disent que ça corrige au niveau macro. Pardon, c'est juste un point de compréhension. Alors, cette approche-là, elle laisse un petit peu dans l'ombre une question qui a été particulièrement sensible pour le développement de cette approche de l'opinion publique, qui est de savoir si la tendance qu'on retrouve au niveau agrégé, donc au niveau macro, on va la retrouver, non pas parmi l'ensemble des individus, mais ça répond un petit peu à ta question, à l'ensemble des publics et des sous-publics qui composent l'opinion. Alors, il y a deux politologues américains qui s'appellent Page et Shapiro qui ont répondu à cette question dans un livre qui s'appelle The Rational Public, qui est sorti en 92, et qui ont mis sur le marché une thèse qu'on peut appeler la thèse des publics parallèles. En gros, leur thèse, c'est de dire que tout le monde, enfin, tous les publics qui composent l'opinion, changent d'opinion au même moment, vont aller dans la même direction et vont évoluer en parallèle. Donc l'opinion publique, les gens changent d'opinion au même moment, dans la même direction, dans les mêmes proportions, et ajoute Page et Shapiro pour les mêmes raisons. Alors, si on resitue cette thèse sur le terrain français, on voit que ça contraste très vivement avec une thèse bourdieusienne du type « l'opinion n'existe pas parce que les individus et les groupes sociaux ont des intérêts antagonistes ». Cette thèse-là, elle part de l'observation empirique que, au niveau agrégé, les dynamiques des sous-groupes qui composent l'opinion publique présentent des patrons d'évolution qui sont uniformes et qui sont parallèles. Alors ça a été examiné dans différents domaines, ça a été examiné dans le domaine politique, dans le domaine moral, ça a été examiné également dans le domaine économique, je vous épargne la revue de la littérature américaine sur ces questions-là, mais pour le cas américain, cette thèse des publics parallèles, elle a été particulièrement avérée empiriquement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de rationalité? Derrière, il y a l'idée que les groupes sociaux ne divergent pas fondamentalement dans la manière dont ils perçoivent les événements économiques. Autrement dit, chacun va recevoir des informations sur l'économie, va recevoir les mêmes, va à peu près les interpréter de la même manière, et puis va s'y adapter en ajustant ses opinions en fonction des informations qu'ils reçoivent de leur environnement économique. Donc on est sur un modèle, si on avait à le rapprocher de quelque chose, on est sur un modèle qui est proche de la systémique, on est sur un modèle qui se rapproche d'un modèle thermostatique, ou l'idée que l'opinion s'ajuste en fonction des états de l'environnement. Donc on a un schéma assez particulier qui a été particulièrement avéré pour le cas américain. Donc moi, ma question de départ, un petit peu plus raffinée, c'était de voir, voyons voir si ça marche. Voyons voir si ça marche en France, et puis voyons voir surtout si ça marche en Europe. Alors voyons voir si ça marche en France, je l'ai traité dans un papier qui est paru dans une revue qui s'appelle French Politics avec un collègue qui s'appelle Adrien De Georges, et ce dont j'aimerais vous parler, c'est est-ce que ça marche au niveau européen? Alors, pour valider ou invalider empiriquement la thèse des publics parallèles, il faudrait bien évidemment pouvoir disposer d'un jeu de données où on suit sur une base annuelle les opinions économiques des Français, pour pouvoir mettre les éventuelles évolutions des opinions en lien avec les variations, fines de la conjoncture économique. Malheureusement, on n'a rien de tout ça à l'échelle européenne. On n'a pas non plus quelque chose comme ça en France. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait de moins insatisfaisant en la matière, qui est l'enquête sur les valeurs des Européens. Alors l'enquête sur les valeurs des Européens, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de mettre en perspective les attitudes et les opinions économiques des Européens sur la longue durée. Très précisément depuis les années 90, ou à partir de la vague 90, ensuite la vague 99 et après la vague 2008, on a posé les mêmes questions sur un ensemble de pays qui peut être ramené aux dimensions de l'Union européenne. Donc on a des données qui marchent plutôt bien pour arriver à suivre de manière, tous les 9 ans, l'évolution des attitudes économiques des Européens sur un groupe de pays assez homogène qui est celui des 27 pays de l'Union européenne, ou pas exactement les 27 parce qu'il y a un certain nombre de pays comme Malte qui ne peuvent pas être inclus dans la base de données. Donc on a, retenez l'idée, c'est qu'on a 23 pays sur lesquels on peut suivre à peu près sur la longue durée de manière un petit peu correcte l'évolution des attitudes économiques. Alors ce que je vous propose de regarder dans un premier temps, c'est à quoi ressemblent les questions, à quoi ressemblent les items. Est-ce qu'il est besoin de dire deux mots de l'enquête sur les valeurs des Européens? Ce que tu en penses, toi? Deux mots, oui. Comment tu l'utilises? C'est un vaste programme d'enquête internationale qui interroge les valeurs et les comportements des Européens sur les grandes questions économiques, morales, politiques et sociales, ou les principaux domaines... Et religieux. Et religieux, et religieuses, oui. Les principaux domaines de la vie. Donc travail, famille, réseaux sociaux, politique, religion, économie, relations sociales, relations autrui, confiance dans les institutions. C'est un programme d'enquête qui a débuté en 81 et qui s'est étendu au fil des années. La dernière vague de 2008 inclut 47 pays. Donc on a quelque chose comme plus de 70 000 Européens qui ont été interrogés dans un nombre de pays croissant depuis le début des années 80. Alors, l'enquête sur les valeurs, elle est particulièrement intéressante parce que le terrain est large, elle est aussi particulièrement intéressante parce que les questions qui sont posées concernant les attitudes économiques sont aussi assez intéressantes. Alors les questions, vous les avez là. Je suis absolument navré, j'ai pas eu le temps de traduire les questions et les résultats qui sont sur le support que je vous ai distribué. Parce qu'en fait, je suis en train de préparer un texte en anglais et puis c'était plus simple pour moi de. C'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà. Donc, les questions que j'ai utilisées, elles sont sur le premier tableau. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans l'EVS, les Européens, on leur demande de se prononcer sur des batteries de questions qui se présentent sous la forme d'échelles en 10 points. Et ce sont des échelles antithétiques, donc qui opposent d'un côté, pour le dire vite, une position conservatrice, libérale au sens français, et d'un autre côté, une position libérale au sens américain ou égalitariste au sens français. On a trois questions qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles visent vraiment les piliers doctrinaux du libéralisme économique, à savoir la compétition, la propriété privée des moyens de production et le contrôle étatique sur les entreprises. Et on a deux autres questions qui appréhendent plutôt disons, le rôle des individus et quelle devrait être la place des individus dans une économie de marché. Alors, je passe très très vite parce qu'en 40 minutes, on n'y arrivera pas. Sur la première figure, vous voyez sur la figure 1 qu'il y a une érosion, disons progressive, des préférences libérales depuis les années 90. On peut voir que cette érosion, elle est particulièrement saillante sur les questions qui illustrent les principaux principes. Il faut que tu expliques à quoi correspondent les différentes courbes. Oui, alors la courbe d'en haut, c'est les positions libérales au sens français. Donc, c'est là où ça descend. Au milieu, c'est les positions moyennes. Donc c'est une échelle en 10 points. Hein. Vous avez, je l'ai découpé de manière assez classique, 1, 4, 5, 6, 7, 10. En isolant donc, 5, 6, les positions moyennes, average ici, et aux deux extrémités, donc 1, 4 versus 7, 10, les positions les plus libérales. Alors, on voit que tout particulièrement sur la propriété privée, tout particulièrement sur la responsabilité individuelle des besoins, un petit peu moins pour la compétition, mais tout de même significativement sur la compétition, si on prend en compte les trois vagues, les opinions libérales, elles ont plutôt tendance à reculer. C'est des pourcentages, c'est ça ? Oui, ce sont des pourcentages. D'accord. Donc ce sont des pourcentages, effectivement. Le premier tableau se lit en 2008, 58% des Européens sont favorables à la compétition, à la concurrence économique. En 90, 54% des Européens sont favorables à la propriété privée des moyens de production, ils ne sont plus que 39% en 2008. 52% des Européens sont favorables à l'idée selon laquelle on devrait davantage récompenser les efforts individuels en 90. Ils ne sont plus que 34% en 2008. Alors les trois autres items connaissent des évolutions un petit peu plus contrastées, enfin donnent plutôt l'illusion d'une stabilité. En fait, derrière l'illusion de stabilité des trois autres items se cachent en fait des évolutions très différentes d'un pays à l'autre. Vous avez les variations pays par pays de chacun de ces items sur la page suivante. Alors, on voit que sur les trois premiers items, donc la concurrence économique, la propriété privée, la responsabilité individuelle, les écarts, vous les avez tout en bas, moins 10%, moins 15%, moins 18%. On voit au premier coup d'œil que c'est à peu près homogène selon les pays. Pour ces trois items, on voit en revanche que les évolutions sont un petit peu plus contrastées entre les pays sur les deux autres items. En 40 minutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des évolutions pays par pays, qu'on pourrait quand même raccrocher à des tendances. On voit par exemple que l'idée selon laquelle les chômeurs devraient accepter n'importe quel emploi disponible, cette opinion-là, elle décroît moins nettement dans les pays d'Europe du Nord, typiquement au Danemark, au Finlande et en Suède. Alors c'est certainement à mettre en lien avec ce qu'on appelle ici la flexécurité, autrement dit avec des politiques publiques qui garantissent pour les employeurs garantissent la flexibilité pour les employeurs, qui garantissent des standards de vie un petit peu décents pour les employés. Pour les chômeurs, pardon. Et ça peut expliquer pourquoi cette idée-là décroît moins nettement dans les pays d'Europe du Nord que dans les autres pays. En revanche, on voit que cette idée-là, que le chômeur devrait accepter n'importe quel emploi disponible, elle a plutôt tendance à augmenter dans plusieurs pays, notamment à l'Est. Je vous propose qu'on ne s'attarde pas sur le détail pays par pays. Le constat qu'on peut faire, c'est que les attitudes à l'égard du libéralisme économique ou les attitudes économiques, elles, globalement, elles indiquent plutôt un reflux des préférences libérales, mais que derrière ce reflux des préférences libérales, on a des variations très importantes selon les pays et on a aussi des variations très importantes selon les questions et selon la manière de poser cette question-là. Donc ces premiers résultats descriptifs, ils nous présentent un portrait global, très approximatif, mais plutôt nuancé des Européens. Donc, on peut voir que les attitudes économiques des Européens, elles sont un petit peu mixtes, elles sont un peu composites. D'un côté, elles combinent une demande d'État plus forte, une demande d'intervention étatique plus forte, avec d'un autre côté, un soutien qui est important et qui reste même fort à certains aspects du libéralisme économique. On l'a vu quand on a dit que 54% des Européens étaient favorables à la concurrence économique en 2008. On a d'un côté une demande d'État et d'un autre côté des préférences libérales qui restent fortes et qui restent assez solidement ancrées dans l'opinion publique européenne, entre guillemets. Les sociodémocrates, c'est européen. Donc, alors, on peut dire que le modèle, effectivement, le modèle dominant en matière économique, c'est un modèle de type social-démocrate, au sens où les gens combinent des préférences, des attentes sociales avec des attentes libérales. Alors, ça peut être économie sociale de marché. La transition, la question qu'on se pose, d'accord, ok, ça semble composite, mais est-ce que c'est vraiment consistant au sens statistique? Alors, on a des moyens statistiques pour évaluer la consistance des attitudes économiques, la consistance des échelles de valeur. Donc, si on essaye de faire une échelle avec ces six items, bah, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très très bien corrélés et qu'on a quelque chose comme un alpha de Cronbach qui mesure la corrélation interne d'une échelle d'attitude de l'ordre de 0,5 points à l'échelle des 27 pays de l'Union européenne. Donc, on voit que ça fait pas complètement système, de sorte qu'on ne pourrait pas dire que c'est social-démocrate au sens où il y aura un système organisé d'idées de type social-démocrate. Alors, moi, j'ai j'ai trouvé dans la littérature américaine un moyen de qualifier ça qui peut être plus intéressant. C'est un politologue américain qui s'appelle John Converse et qui a à peu près étudié la même chose aux États-Unis et qui dit les gens ne sont pas idéologiques. Et je pense qu'on peut dire la même chose des attitudes économiques des Européens à partir de ce constat, c'est-à-dire que les gens ont des attitudes économiques qui sont extrêmement composites, qui sont extrêmement consistantes, qui mixent des préférences sociales avec des préférences libérales. Je ne vous ai pas mis le tri croisé item par item, mais on voit que des gens peuvent être favorables à la concurrence économique et en même temps favorables à la propriété publique des moyens de production. Donc les gens ne sont pas idéologiques, ils ne sont pas social-démocrates en ce sens-là. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est notre alpha de Cronbach qui nous dit que finalement, ce n'est pas très consistant à l'échelle européenne, de regarder comment ça se décline pays par pays. C'est ce que vous avez sur le graphique suivant. Donc, vous avez le gros trait noir dans l'escargot. C'est la moyenne de l'alpha de Cronbach déclinée par pays. Donc, on voit que les attitudes économiques, elles ne sont pas également consistantes à l'intérieur de l'Union européenne. Qu'il y a certains pays, bah, les pays d'Europe du Nord, chez lesquels les gens sont sociodémocrates. Ils le sont pour de vrai, parce que chez eux, c'est consistant et c'est à 0,8. Dans les autres pays, ils le sont beaucoup moins. Et on voit que dans les pays d'Europe de l'Est, là, c'est les gens mélangent à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, on a un mix absolument non idéologique des attitudes économiques. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Sans doute des pistes de lecture. Moi, en l'état, je pense qu'on peut faire l'hypothèse selon laquelle on est dans des pays, les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe de l'Ouest, où l'opposition entre le marché et l'État est quelque chose de très institutionnalisé. à la fois au sens des normes sociales, en même temps au sens des politiques publiques. Et l'opposition entre l'État et le marché est beaucoup plus institutionnalisée dans certains pays d'Europe que dans d'autres. Et typiquement, on retrouve une illustration de ce degré d'institutionnalisation de l'opposition, de la tension entre l'État et le marché, à travers la plus forte cohérence dans les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord, versus la moindre cohérence dans les pays d'Europe de l'Est. Si on descend... désolé, je ne vais pas de charge. Si on descend au niveau des individus, et qu'on cherche à voir comment est-ce que à l'intérieur de chaque pays, si cette consistance des attitudes économiques, elle est modulée par certaines caractéristiques sociodémographiques. Alors, typiquement, dans la littérature, on trouve l'idée selon laquelle la compétence politique, c'est un machin. La compétence politique va permettre de mettre en cohérence les attitudes économiques, les préférences économiques des gens. On a des compétences politiques fortes, quand on s'intéresse à la politique, quand on est proche de partis politiques, quand on suit l'actualité politique, tout ça, ça va permettre de grouper ensemble des préférences économiques homogènes. Alors, pour mettre cette idée-là à l'épreuve, j'ai pris un ensemble de questions d'enquête valeur, une question qui concerne l'importance que la politique a dans la vie des gens, une question concerne le fait de parler ou pas politique en famille, une question qui appréhende l'intérêt pour la politique, et une dernière question sur la fréquence de suivi de l'actualité politique. J'ai construit un indice avec tout ça, et l'indice, c'est ce que vous voyez dans la deuxième corolle du diagramme en radar, qui est les petits pointillés, donc c'est alpha for political interest. Et là, vous avez l'alpha de Cronbach chez les gens qui sont les plus intéressés politiquement. Autrement dit, cet indice dont je vous ai parlé, je l'ai découpé en quatre. J'ai pris le quartile des gens les plus intéressés par la politique et je les ai représentés. Et on voit effectivement que le quartile des gens les plus intéressés par la politique, ils sont bien au-dessus de la moyenne. Ils ont effectivement des attitudes économiques beaucoup plus consistantes que les autres. Alors, on sait aussi que... c'est pas seulement les compétences politiques qui vont permettre de... faire système de ces préférences économiques, c'est aussi le niveau d'éducation. Alors, j'ai croisé l'indice d'intérêt pour la politique, enfin j'ai isolé l'indice d'intérêt pour la politique chez les diplômés du supérieur. C'est la troisième corolle de l'escargot, ceux qui sont le plus intéressés pour la politique et diplômés du supérieur. Alors là, l'hypothèse qu'on trouve dans la littérature marche plutôt bien. Les plus intéressés pour la politique ont effectivement d'autant plus tendance à avoir des attitudes économiques consistantes qui sont diplômés du supérieur. Alors ça marche relativement bien, mais pas partout. Et là on retrouve un petit peu des pays de l'Est qui vont à rebours de cette tendance, où vous voyez typiquement en Estonie, en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, où là le fait d'avoir des diplômés du supérieur, ça va plutôt tirer en dessous de la moyenne la consistance des attitudes économiques. Autrement dit, ils sont moins consistants que la moyenne des gens dans leur pays. Ah, la consistance, c'est... En français, ça serait cohérence, plutôt. Dans quelle mesure les variables, quand on fait un indice, quand on cherche à faire une échelle avec ces items-là, dans quelle mesure ces items sont corrélés? Quelle est l'intensité de la corrélation entre D'accord, ces items? D'accord, donc c'est dans ce sens précis que tu... Ah, uniquement, oui. Oui. Donc c'est de la consistance au sens statistique. Je crois déjà qu'on a discuté, est-ce que les statistiques disent le monde pour de vrai, d'accord? Bon. Donc là, effectivement, en toute rigueur statistique, et uniquement si on mesure un alpha de Cronbach et qu'on fait varier l'alpha de Cronbach par pays, on voit que majoritairement, à l'échelle de l'Union européenne, les gens développent des attitudes économiques d'autant plus homogènes, d'autant plus cohérentes, qu'ils sont intéressés par la politique, qu'ils sont diplômés du supérieur, sauf en Estonie, en Slovaquie, en Pologne ou en Hongrie, où là, le niveau d'éducation va plutôt faire passer en dessous de la moyenne. Alors l'interprétation qu'on peut proposer, c'est que dans ces pays-là, dans les pays d'Europe de l'Est, typiquement, la tension entre l'État et le marché est quelque chose de plus controversé, alors sur les petites scènes intérieures des gens, et c'est quelque chose de plus controversé, tout particulièrement chez les plus diplômés. Donc ces questions-là font davantage... débat intérieur, en quelque sorte, chez les plus diplômés dans les pays d'Europe de l'Est. Ce qui, voilà, la manière dont on peut... une interprétation possible du fait que certains pays de l'Est présentent des patrons de réponse différents de la moyenne européenne. Je suis discute mal, c'est le fait que ce soit normal, ça paraît plus cohérent d'imaginer qu'il y a une tension entre l'état et le machin. Enfin, est-ce qu'il y a une représentation un petit peu a priori de la cohérence des réponses, et cette cohérence, Pour dire ça autrement, peut-être en langage ordinaire, les diplômés du supérieur les plus intéressés par la politique auraient des opinions beaucoup plus hétérogènes, moins homogènes que la majeure partie des gens dans leur pays. D'accord. Mais par ailleurs, entre pays, vous dites oui. Que en Europe de l'Ouest, il paraît normal qu'il y ait une tension entre les... Enfin, on théorise plus l'idée d'une tension entre l'État et le marché qu'en Europe de l'Est. Oui, ils doivent assumer la mutation. C'est communisme, libéralisme, et pour stabiliser une idée social-démocrate. Oui, c'est pas exactement ainsi que je l'ai formulé. Il me semble que l'idée était plutôt de dire que l'opposition, la tension entre État et marché, elle a un degré d'institutionnalisation sociale plus fort dans les pays d'Europe du Nord que dans les pays d'Europe de l'Est. Pour dire ça encore plus simplement, il y a un état-providence depuis beaucoup plus longtemps. Il y a des formes de régulation économique qui sont ancrées. Oui, d'accord. Mais je vois pas à travers l'état-providence cette idée de tension entre état et marché, parce que c'est à la fois des pays aussi très libéraux, mais très étatiques. J'imagine plus une conciliation entre état et marché, justement, en Europe de l'Ouest. Mais c'est ce qu'il dit, en fait. C'est ce qu'il dit. Il dit que, je pense, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a plus de cohérence dans l'ensemble des attitudes économiques que dans l'Europe du Nord. Que dans l'Europe de l'Est. Les gens pensent de manière cohérente, soit ils sont très pour l'État, soit ils sont très contre l'État. Dans les pays d'Est, ils sont un peu des deux, chacun, un peu tous en même temps. En soi, ça ne me paraît pas incohérent. C'est l'idée qu'on est... parce qu'on n'est pas dans les données, c'est pour ça. Moi, je ne peux pas... évidemment, c'est une synthèse un peu de résultats. On peut pas... Parce que moi, c'est cette idée a priori d'incohérence des réponses par rapport au dosage état-marché qui me paraît justement un peu plus... renvoyer à une conception donnée des relations entre l'État et le marché qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément unique. Donc le fait que... Et dans certains pays qui ont une histoire longue en matière de régulation des marchés économiques, de régulation par l'État, l'hypothèse que je fais, c'est que ces pays qui ont cette histoire longue, il y a un degré d'institutionnalisation plus fort des relations entre l'État et le marché, et ça impacte la manière dont les gens mettent en cohérence leurs attitudes. On voit que dans les pays où il y a ce degré d'institutionnalisation plus fort, les attitudes économiques sont plus cohérentes, les gens sont soit beaucoup plus pour, soit beaucoup plus anti, ils sont ça de manière exclusive. Alors que dans les pays de l'Est, où il y a cette régulation-là, il n'est pas incohérent que dans les pays où la tension entre la relation entre l'État et le marché, pour ne pas dire tension et opposition, la relation soit moins institutionnalisée ou moins régulée, que ça se retrouve au niveau des opinions économiques par des choses qui sont plus équivoques, beaucoup plus interobscures. Alors, pour faire un petit peu un pas supplémentaire dans cette direction-là, j'ai essayé de combiner les différents items qu'on a vus un par un sous la forme d'une échelle d'attitude. Alors pour construire des échelles, il y a plein de méthodes. Il y a des méthodes de combinaison logique, il y a des méthodes d'addition, et puis il y a aussi des méthodes qui sont très fréquemment utilisées, qui est celle de la combinaison factorielle des items. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai réalisé une analyse en composantes principales sur l'ensemble de ces items, dont vous avez les résultats dans le tableau 3. L'analyse en composantes principales, elle est intéressante ici parce qu'elle va permettre de désintriquer tous ces mélanges-là d'opinions. Elle va permettre de faire ressortir des grandes dimensions structurantes qui sont exclusives les unes des autres. Donc ça va aider à mettre de l'ordre un petit peu dans le fouillis des résultats et le fouillis dans la tête des gens. L'analyse en composantes principales, elle distingue deux dimensions. La première dimension, celle sur laquelle les questions ont des coefficients de corrélation plus forts, les notes les plus fortes, c'est une dimension qui clairement fait signe vers la demande d'État ou vers le soutien à l'État. La deuxième dimension, c'est une dimension qu'on pourrait appeler de demande d'égalité, encore que il faudra la regarder de manière un petit peu plus complexe. Alors je vous propose de pas du tout la regarder et de se concentrer uniquement sur une synthèse de ces différents items sous la forme d'une échelle un peu moins équivoque que celle qui est sur les graphiques précédents, donc une échelle de soutien une échelle de soutien à l'État. Alors cette échelle, elle est particulièrement particulièrement saillante, puisqu'elle rend compte de 30% des variations entre les opinions individuelles. Autrement dit, pour le dire en termes statistiques, ça explique 30% de la variance. Donc elle est particulièrement saillante à l'échelle de l'Union européenne. Et j'ai regardé si cette structure des opinions, donc État, égalité, elle se retrouvait dans chacun des pays, elle se retrouvait pour chacune des vagues d'enquête, et ce résultat d'analyse factorielle, cette structure de résultat, elle est relativement fiable, elle est relativement stable, à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on retrouve la même chose dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne, on retrouve la même chose par année. Donc on a une structuration des attitudes économiques des Européens qui oppose ceux qui sont pour et ceux qui sont anti-État, et qui, d'un autre côté, oppose aussi ceux qui sont pour et anti-égalité. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour signaler une exception. Donc il y a deux dimensions des attitudes économiques, demande d'État, demande d'égalité, ou rejet d'État, rejet d'égalité, dans pratiquement tous les pays, sauf dans les pays d'Europe du Nord. Sauf en Danemark, en Suède, en Finlande et aux Pays-Bas. Au lieu d'avoir deux échelles, il n'y en a qu'une seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pays-là, l'État et l'égalité sociale, c'est lié. Ça marche ensemble dans la tête des gens. Pas un résultat, ce qui est là aussi de bon sens. Donc, ça invite à faire un pas supplémentaire, et ça invite notamment à clarifier les différences entre pays et les différences entre individus. D'essayer de voir si les variations qu'on trouve dans les opinions, dans les attitudes économiques, si ces variations dépendent plus des pays ou dépendent plus des individus. Parce que les différences entre Européens sont plus ou moins fortes que les différences entre pays d'Europe. Alors, il existe des méthodes statistiques qui sont particulièrement appropriées pour répondre à cette question-là. Il existe notamment une méthode qui s'appelle l'analyse multiniveau, qui permet de désintriquer ce qui relève des variations liées au pays, ce qui relève des variations entre les individus. Alors, j'ai estimé différents modèles multiniveaux à travers le tableau 4. Est-ce qu'il est nécessaire que j'en dise un peu plus sur les modèles multiniveaux et notamment sur la manière dont c'est différent des modèles de régression ordinaire par les moindres carrés? Si je dis ça, je vais dire des gros mots du type homocédasticité, indépendance des termes d'erreur. Non, on n'entre pas dans ces détails techniques. Ok. Les résultats. Oui. Alors le premier résultat, vous l'avez dans la première colonne, qui est une colonne vide, mais c'est normal. C'est la colonne qui répond au modèle vide. Ce qu'on appelle le modèle vide, c'est un modèle dans lequel on n'introduit aucune variable explicative. Alors imaginez-vous, c'est comme un modèle de régression, d'accord. Ma variable dépendante, ce sur quoi je régresse, c'est le premier facteur de l'analyse en composante principale. C'est la demande d'État. J'essaye d'expliquer la demande d'État par un ensemble de caractéristiques qui sont des caractéristiques individuelles et des caractéristiques pays. Le premier modèle, c'est un modèle vide où il n'y a aucune variable explicative, et c'est un modèle qui répond justement à la question qu'on posait tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le plus explicatif des individus et des États? Alors vous avez la réponse dans un indice qui s'appelle le coefficient de corrélation intraclasse, qui nous dit grosso modo 97% des différences, c'est des différences entre individus, et seulement 3% des différences, des variations statistiques, c'est des variations entre pays. Donc le premier résultat intéressant, il est là, c'est qu'il y a beaucoup plus de différences entre les Européens que de différences entre les 23 pays de l'Union européenne que j'ai analysés ici. Ok. Donc, alors si on veut un terme plus académique, ça vient contredire les théories culturalistes qui généralement partent de l'idée qu'il y a des traits culturels nationaux irréductibles et que ces différences entre cultures seraient plus fortes que les différences entre individus d'une même culture. Non, là, ça manifestement, ça invalide très fortement les thèses culturalistes. J'ai oublié de vous dire une chose sur le fichier. Le fichier est un fichier agrégé, c'est-à-dire que j'ai pris 23 pays de l'Union européenne pour 90, pour 99 et pour 2008. Et j'ai fusionné les réponses des individus sur ces trois vagues d'enquête, okay, pour pouvoir, dans la modélisation statistique, identifier est-ce que l'année a un effet déterminant sur la demande d'État. Alors, vous dites trois pays. 23 pays. Oui. 23 pays. Les pays sont listés à la figure 8. Donc, il n'y a pas Malte, il n'y a pas Chypre, il n'y a pas la Grèce, c'est dommage. C'est très dommage, parce que la Grèce n'a rejoint l'EVS qu'en 99. Et puis, il n'y a pas... Et puis, je sais plus. Alors... Pour faire un pas supplémentaire, la question qu'on peut se poser, c'est au niveau individuel, qu'est-ce qui va déterminer le soutien à l'État? Qu'est-ce qui va influencer le fait d'avoir des opinions pour ou contre l'État? Si on regarde la littérature, généralement la littérature sur les attitudes économiques, elle met en avant deux types d'explications opposées. D'un côté, on a les théories de la rationalité hédoniste, ou des théories du choix rationnel, encore on pourra le discuter, qui nous disent que les individus construisent leurs préférences économiques en fonction de leur intérêt personnel. Donc les gens développent des préférences économiques qui sont congruentes avec leurs intérêts personnels, ou au moins, parce que les intérêts sont jamais complètement clairs, au moins avec la manière dont ils se les représentent. Et vous avez une autre série de théories qui sont des théories plutôt symboliques et qui disent que, non, les attitudes économiques, elles ne sont pas structurées par les intérêts, elles sont surtout structurées par les croyances, par les valeurs, ou par des orientations symboliques, pour le dire largement. Pourquoi est-ce que les orientations symboliques sont plus efficaces que les intérêts personnels? Parce que on en hérite à travers on en hérite de ses parents, on en hérite à travers la socialisation par les pères, ou par les parents, ou par les groupes de pères. Donc les valeurs, les croyances, les orientations symboliques sont ancrées de longue date dans les individus, et donc elles ont un effet plus fort que l'intérêt personnel. Alors, quand on regarde la littérature, il y a une grosse littérature internationale, pas tellement développée en France, sur les attitudes à l'égard de l'État. Et les études empiriques qui ont été menées sur le soutien à l'État dans la littérature européenne, elles nous disent grosso modo que les deux thèses marchent plutôt bien. Autrement dit, on trouvera des références dans la littérature où qui vont nous montrer que les gens qui sont de gauche ou qui sont proches des partis de gauche, exemple d'orientation symbolique, vont davantage soutenir l'État que les autres. Ce qui confirme par ailleurs que les préférences à l'égard de l'État, elles sont liées avec les autres croyances idéologiques, et que tout ça, ça fait système, de sorte que les attitudes à l'égard de l'État, ça n'est que la transposition de valeurs politiques, enfin c'est l'expression de valeurs politiques globales. Donc on trouve ça dans la littérature, ça, notamment sur les attitudes politiques, ça a été avéré, et d'un autre côté, l'influence de l'intérêt personnel a aussi été avérée, où dans la littérature, on trouve que les groupes sociaux les plus désavantagés soutiennent plus volontiers l'État que les autres. Notamment les groupes, dans la littérature il y a une belle expression, c'est les transfer classes, pour dire les classes sociales ou les groupes sociaux qui bénéficient des transferts étatiques. Donc chez les groupes qui sont les récipiendaires privilégiés du soutien étatique, on trouve un soutien à l'État plus marqué, ce qui est là aussi de très bon sens. La même chose marche pour la classe moyenne, qui est souvent considérée comme... étant composé des principaux consommateurs d'un ensemble de services proposés par l'État, comme les services de santé ou les services éducatifs. Donc chez les classes moyennes, le soutien à l'État plus marqué a aussi été avéré dans la littérature. Alors, dans les modèles que je vous ai présentés, 2 et 3, j'ai cherché à estimer ces hypothèses-là un petit peu pas à pas, en rentrant dans un premier temps un ensemble de variables qui peuvent être considérées comme des proxys de l'intérêt personnel, et dans un deuxième temps, des variables qui peuvent être considérées comme des proxys de, des orientations symboliques. Alors, très précisément, j'ai utilisé ici le niveau de revenu, découpé en 4 tranches d'égale amplitude. Donc c'est income plus plus, income plus, income moins moins. Et puis aussi une classe income DKNS et don't know no answer, pour ceux qui n'ont pas répondu à la question qui leur était posée pour déclarer leur revenu. J'ai également utilisé autre variable qui dit quelque chose sur l'intérêt personnel, le statut d'emploi. Donc, alors là aussi, j'ai utilisé les données avec leur degré d'imperfection, c'est-à-dire que les données de l'enquête valeur, si on veut analyser plusieurs pays, il faut prendre un statut d'emploi qui n'est pas équivalent de la PCS, qui est plutôt le statut d'activité que la profession. Donc, ça conduit à opposer des gens qui travaillent, des gens qui sont à leur compte, des chômeurs, des retraités ou des gens qui ne travaillent pas, et des gens dont le statut d'emploi n'a pas été déclaré. Et j'ai également introduit une variable qui a été libellée EVS99, EVS2008, pour essayer de mesurer l'influence de la vague d'enquête sur la demande d'État. D'accord ? Et comme c'est l'équivalent d'un modèle de régression standard, il faut une valeur de référence. Donc à chaque fois, ma valeur de référence, c'était les individus les plus favorisés pour le revenu, les individus qui sont à leur compte, et 90, l'année 90, pour l'enquête valeur. Et j'ai utilisé 3 variables de contrôle, le genre, l'âge et le niveau d'éducation. Est-ce qu'il faut développer, est-ce que vous souhaitez que je développe davantage les paramètres et la lecture des paramètres ou les résultats. Oui. D'accord, là on va directement au résultat. Ok. Alors, on peut résumer le modèle 2 dans un premier temps en disant que les attitudes économiques à l'égard de l'État, les préférences pour l'État, elles sont très liées à la vulnérabilité sociale. Donc là, les résultats confirment très largement ce qu'on trouve dans la littérature et qui nous dit que les groupes sociaux les plus désavantagés privilégient leur propre intérêt et vont soutenir l'État. Donc, pas de surprise de ce point de vue-là. L'effet du revenu, on le voit, il est à peu près linéaire. Plus le revenu descend, plus le coefficient, le paramètre et le bêta standardisé est important. On voit également que les gens qui ne travaillent pas, donc les unemployed, ont un coefficient de 0,563 relativement à ceux qui sont sans emploi. Donc c'est beaucoup plus fort que ceux qui travaillent, par exemple. Donc, le modèle 2 confirme très largement la littérature pour nous dire que la demande d'État ou le soutien à l'État est fortement lié à la vulnérabilité sociale. Rien de surprenant. Information importante, vous voyez que la demande d'État, elle est beaucoup plus forte en 2008 qu'en 90. Elle est plus forte également en 99 qu'en 90. Okay, donc c'est les deux variables EVS 99, enfin les deux demi-variables 99 et 2008 qui nous disent que voilà, 0,263, autrement dit, quand on est chez les gens qui ont été interrogés en 2008, le soutien à l'État est plus marqué que chez les gens qui ont été interrogés en 90. Même chose chez les gens qui ont été interrogés en 99, le soutien à l'État est plus marqué. Dans le modèle 3, j'ai essayé de voir si le soutien à l'État était modulé par des caractéristiques plutôt symboliques et notamment des caractéristiques politiques. Excusez-moi, je suis chercheur en sciences politiques, donc j'ai mis des choses politiques à l'intérieur. Et comme variable intéressante pour l'orientation, pour les valeurs politiques, j'ai mis tout simplement l'orientation politique. Donc là, c'est une échelle en 10 points que j'ai découpée de manière très classique aussi, 1, 4, 5, 6, 7, 10, pour isoler les gens de gauche, les gens du centre et les gens de droite, et également ceux qui ne déclarent pas leur orientation politique. Donc c'est political orientation, don't know, no answer. Et j'ai également introduit dans le modèle la variable d'intérêt pour la politique, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les escargots, que j'ai découpé aussi en quatre classes, donc selon que les Européens se déclarent plus ou moins intéressés par la politique. Alors, si on regarde les résultats, on s'aperçoit que l'orientation politique a également une influence extrêmement importante sur le soutien à l'État. Et si on regarde strictement la magnitude des coefficients, on s'aperçoit que c'est très très fort chez les gens de gauche, hein, qui sont à 0,63, et c'est 0,603, pardon, c'est beaucoup plus fort, par exemple, le bêta, le coefficient standardisé, est beaucoup plus fort, par exemple, un petit peu plus fort que les gens qui sont sans emploi, pour lesquels le coefficient est de 0,518. Alors, ça veut dire quoi, 0,518? Ça veut dire que une augmentation d'une unité de la variable qui explique va entraîner une augmentation de 0,5 unité de la variable à expliquer. Autrement dit, chez les gens qui sont, le fait d'être de gauche versus le fait d'être de droite produit une augmentation de 0,63 écart-type de la demande d'État. Peut-être plus au moins aussi important que la valeur du paramètre à regarder, c'est la significativité du coefficient. Donc là, on voit que c'est très significatif, donc il y a une amplitude dans le coefficient qui dit que c'est fort, et puis c'est également significatif. Donc, et on voit aussi que si on regarde l'intérêt pour la politique a un effet significatif sur la demande d'État, mais a un effet négatif. Autrement dit, les segments de la population européenne qui sont les plus sophistiqués politiquement sont associés à un soutien à l'État plus faible que ceux qui sont les moins intéressés par la politique. Donc, conclusion, avérée pour le coup, les deux hypothèses de la littérature marchent. Les intérêts personnels déterminent, influencent fortement le soutien à l'État, et les valeurs, en l'occurrence les valeurs politiques, et uniquement les valeurs politiques, influencent fortement le soutien à l'État. Alors, si on veut faire un pas supplémentaire, il faut voir comment tout ça se combine. On a vu que les gens de gauche soutenaient davantage l'État, on a vu que les pauvres soutenaient davantage l'État, mais qu'est-ce qui se passe quand on est pauvre et de gauche? Qu'est-ce qui se passe quand on est pauvre et de droite? Est-ce que ça marche toujours? Alors, c'est ce que j'ai essayé d'estimer dans les figures, à travers des modèles, et qui donne lieu aux deux figures suivantes. Alors, les figures 4 et les figures 5 qu'on va commenter, elles sont issues de modèles qui sont les mêmes que les modèles que je vous ai, qui sont sur le tableau 4, et dans lesquels j'ai estimé des effets d'interaction entre l'orientation politique et le niveau de revenu, pour la figure 4, et entre l'orientation politique et l'intérêt pour la politique, pour la figure 5. Alors, donc l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on va dire ça simplement. Comment se combinent les attitudes politiques? Oui. Comment se combine? Comment est-ce que, pour la figure 4, comment est-ce que l'intérêt personnel se combine? Ou est-ce que l'intérêt personnel a une influence différentielle sur l'orientation politique? Autrement dit, est-ce que ça a une influence différente selon qu'on est de gauche ou selon qu'on est de droite? D'accord? Alors, le graphique 4 montre les variations de la demande d'État selon le niveau de revenu pour différents groupes idéologiques. En abscisse, vous avez les quartiles de revenus. Donc, à gauche, c'est ceux qui sont les plus défavorisés, à droite, ceux qui sont le plus favorisés, income plus plus, et à l'extrême droite de l'axe des abscisses, vous avez ceux qui n'ont pas répondu à la question sur le revenu. Okay? L'échelle d'ordonnée, c'est l'échelle de la demande d'État. Et vous voyez les variations par groupe idéologique. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces tableaux-là? On voit que c'est à peu près la même tête en 90, 99, en 2008. Donc, on voit qu'on a un patron d'interaction relativement stable d'une vague d'enquête à l'autre. On voit ce que nous disaient déjà les modèles, que les gens de gauche sont au-dessus des gens de droite, au-dessus des gens du centre également, au-dessus des gens qui ne répondent pas aussi, donc qui soutiennent davantage l'État. Mais ce qu'on voit de plus intéressant, c'est que la droite pour les gens de gauche, elle est relativement plate, alors que la droite pour les gens de droite, elle est un petit peu plus, l'éventail est un petit peu plus ouvert à droite qu'à gauche. Donc ça, ça nous, pour dire ça plus simplement, le niveau de revenu ne joue pas de la même manière chez les gens de gauche et chez les gens de droite. Le niveau de revenu a un impact contrasté. On voit ici que, alors que les gens de gauche ont des préférences à l'égard de l'État à peu près similaires, quel que soit leur niveau de revenu, okay, les différences ne sont pas significatives, la droite est pratiquement plate, donc quand on est de gauche, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, le niveau d'adhésion à l'État, de soutien à l'État, est le même. En revanche, chez les gens de droite, on s'aperçoit que l'orientation politique va... le niveau de revenu ne va pas jouer le même rôle chez les gens de droite, et que les gens de droite vont être d'autant plus défavorables à l'État qu'ils vont être riches. Okay, les gens de gauche partagent le même degré de soutien à l'État. Les gens de droite, c'est par commodité. On voit que les groupes idéologiques situés à gauche ou qui se déclarent, qui s'identifient à la gauche sur l'échelle gauche-droite, partagent le même niveau de soutien à l'État et apparaissent aussi favorables à l'État, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. En revanche, on voit qu'il y a les gens de droite ont un niveau de soutien à l'État d'autant plus négatif qu'ils sont favorisés. C'est un résultat qui avait été déjà montré ailleurs, ça ? Bah non, de manière assez surprenante, dans la littérature, quand on estime les variables politiques, on les estime assez rarement avec des effets d'interaction. Mmh. Assez rarement avec des effets d'interaction. Donc on a l'effet moyen, mais pas l'effet d'interaction. Alors, quelle conclusion on peut en tirer ? D'ailleurs, juste une question. Oui. Quand tu estimes le modèle 4 avec les effets d'interaction, qu'est-ce qui arrive au coefficient des effets marginaux ? Tu l'as en tête ou pas ? Alors. Ou si ce n'est pas le modèle 4, un modèle avec les effets d'interaction, est-ce que ça bouge ? Ce qui est représenté là, ce sont les valeurs marginales. Okay, donc c'est les valeurs issues des coefficients du modèle. Ce sont les marginal means. Ça, c'est les valeurs prédites. C'est les valeurs marginales, oui. Donc prédites par le modèle, oui. Qui contient les coefficients. C'est les valeurs prédites à partir du modèle. Ma question est de savoir, par rapport à ce modèle-là, que je suppose être sans effet d'interaction. À celui-ci ? Le 4 est sans effet d'interaction ou avec effet d'interaction ? Tableau 4. La figure 4 est issue... Le tableau 4, il est sans effet d'interaction. Ah non, il est sans effet d'interaction. La figure 4 est issue d'un modèle 4 qui est présenté là, dans lequel j'ai estimé les effets d'interaction. D'accord. Et j'ai prédit les valeurs, enfin les moyennes marginales, je les ai représentées graphiquement sous la forme de la figure 4. J'ai compris. La question est, dans le modèle avec effet d'interaction, oui, les effets marginaux, c'est-à-dire les coefficients qu'on voit dans le tableau 4, mm-hmm, changent ou pas ? Ils sont stables ou pas ? Ils sont tous également significatifs ? Ils ont tous le même sens, signe ? Est-ce qu'ils ont tous la même force, etc. D'accord. Alors, effectivement, on voit, si on, pour répondre à ta question, si on compare le modèle 2 et le modèle 3, on voit que quand on introduit les valeurs politiques, ça ne diminue pas l'impact des coefficients pour l'intérêt personnel. Autrement dit, avec le modèle 2, on estime une forte influence du revenu. Quand on introduit les valeurs politiques, ça n'érode pas, ça n'entame pas l'influence du revenu. Et c'est ce qui me fait penser. Donc, pour répondre à ta question, quand on estime des effets d'interaction, ça, sur les variables qui sont pas, qui n'interagissent pas, dans l'occurrence, c'est les variables de contrôle ici. Donc, ça ne fait pas bouger les coefficients pour le statut d'emploi. Et tu ne penses pas que sur la base des coefficients qui sont là, dans le tableau 4, on devrait penser que les effets d'interaction ne sont pas forts, voire inexistants. que si tes coefficients du premier groupe de variables ne bougent pas quand tu introduis le deuxième groupe de variables, c'est qu'en dessous, il n'y a pas d'effet d'interaction. Ou si il y a des effets d'interaction, ils sont assez... Là, les effets d'interaction sont significatifs. Quand on estime des interactions... Avec 70 000 individus, quand même oui, tout est significatif. Mais alors, quand on regarde la magnitude des coefficients, les coefficients conservent une magnitude de l'ordre de 0.5, 0.4, 0.3. J'ai là le modèle avec les effets d'interaction complets. Et j'ai estimé des effets complets d'interaction. Donc en gardant l'orientation politique et en estimant aussi l'interaction entre l'orientation politique et le niveau de revenu. Donc c'est des modèles saturés. Tu vas peut-être conclure, parce qu'en fait, conclure en accélérant. La figure 5. Alors oui, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut tirer en termes? Qu'est-ce qui est intéressant pour les sociologues et les politistes? Qu'est-ce qu'on peut tirer de la figure 4? On peut en tirer l'idée que il y a une coalition politique beaucoup plus forte à gauche qu'à droite en ce qui concerne les attitudes économiques. Les gens de gauche partagent les mêmes valeurs économiques, alors que la coalition politique à droite est beaucoup moins nette sur les attitudes économiques. Elle varie beaucoup en fonction du revenu. Si on regarde cette fois-ci l'interaction entre l'intérêt pour la politique et l'orientation pour la politique, ce que vous avez sur la figure 5. Là, vous voyez que ça se présente sous la forme d'un éventail, et l'éventail s'ouvre aussi bien à gauche qu'à droite. Autrement dit, les gens de gauche et les gens de droite sont d'autant plus polarisés dans leur soutien à l'État qu'ils sont intéressés par la politique. L'idée intéressante ici, c'est que l'intérêt pour la politique est un facteur qui va permettre de mettre en cohérence les attitudes politiques et va aider en quelque sorte va aider les individus à convertir leur prédisposition politique en attitudes politiques qui vont être d'autant plus opposées qu'ils vont être intéressés pour la politique. Donc ici, pour dire ça de manière extrêmement simplifiée, on peut voir que les gens les plus intéressés pour la politique se rapprochent de leur plateforme idéologique. Ils se rapprochent des positions des élites politiques. Et ils sont d'autant plus opposés entre eux qu'ils sont intéressés par la politique. Et à l'inverse, de manière assez paradoxale, on voit ici que... En fait, donc, la divergence idéologique, c'est une affaire de spécialistes. Oui, d'experts, bien sûr. Oui. Et on voit que quand on n'est pas expert de gauche et pas expert de droite, on pense pratiquement la même chose, et que les experts, les non-experts de gauche et les non-experts de droite se ressemblent plus que se ressemble un non-expert de gauche avec un expert de gauche. Évidemment, si on a un expert de droite à haut revenu. c'est l'opposition entre justement, ce que j'ai bien compris. Vous situez les gens à droite opposés finalement à l'interventionnisme étatique et les gens à gauche plutôt favorables. Ou est-ce que c'est pas du tout. Pas exactement. Ce qui correspond ici aux gens de gauche, le terme n'est pas très joli, mais c'est l'expression, c'est l'euphémisme courant qu'on emploie. Dans le questionnaire ES, on a l'échelle d'orientation politique. Sur une échelle de 1 à 10, où vous situez ? Classiquement, cette échelle, voilà, on l'utilise comme un proxy, comme une approximation de l'orientation politique. Et très classiquement, on la découpe en disant les 1-4 de la planche en gauche, 5-6 centre et 7-10 droite. C'est ça qui est représenté ici. Et par rapport à l'État, l'opposition par rapport à l'État, quelle est la cohérence? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un soutien à l'État et le fait d'être à droite ou à gauche. Oui, c'est ce que j'avais compris. Mais oui, c'est sûr. C'est sur le graphique, on voit que ici, les gens de gauche sont au-dessus des gens de droite, ça veut dire que leur degré de soutien à l'État est plus important. Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Ouais. Mais est-ce que vous assimilez les gens de droite aux libéraux? Ce qui me paraît quand même être une assimilation un peu finalement J'assimile. Non, pas du tout. Alors, à la lecture, le constat empirique, il est que les gens qui sont proches de la droite sur une échelle en 10 points soutiennent moins l'État que les autres. Ouais, d'accord. Pierre pose une bonne question. Là. Oui. Je ne sais pas pourquoi je l'ai posée à mon voisin, monsieur Bottier. Oui, non, mais quelle est la corrélation entre le revenu et le positionnement politique? Non, l'intérêt politique. Ah, c'était l'intérêt. L'intérêt pour la politique. Ah, l'intérêt. Hein. Est-ce que l'intérêt est sensible au niveau de revenu? Le problème de la variable de revenu, c'est que c'est une variable qui a été un petit peu qui est découpée en déciles dans les données de l'enquête valeur, donc c'est pas le revenu déjà. Elle est très sensible au niveau des prix. Très sensible. Peut-être on va lancer quelques questions parce qu'il est déjà 6h15 et peut-être ce serait bien de qu'on ait un peu de temps de discuter. Je vous ai à peu près présenté la moitié de ce que j'avais prévu. Ouais, peut-être qu'on suit conclusion. Alors, on a une synthèse. Alors, au pas de charge, oui, la musique. La musique. Si c'est la moitié, ça fait encore 1h15, donc ça serait un peu long. La musique sans les paroles. Les graphiques qui sont sur la page suivante, figure 5, figure 6 et figure 7, mettent un petit peu à l'épreuve la thèse des publics parallèles dont j'ai commencé par vous parler. Et on voit qu'elles représentent différents groupes sociaux, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les diplômés du supérieur versus les gens faiblement diplômés, etc. Et on voit sur cette échelle que tous les groupes sociaux évoluent en parallèle vers plus d'État. Donc, ça amène un petit peu à nuancer le modèle en introduisant une dimension longitudinale. Donc on a vu que le soutien à l'État variait selon des caractéristiques d'intérêt personnel, selon des caractéristiques idéologiques. On a vu que le soutien à l'État était plus fort en 2008 qu'en 90. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'évolution de chacun de ces groupes sociaux? L'évolution de chacun de ces groupes sociaux, elle est, vous l'avez très nettement sur le graphique, ce sont les valeurs prédites qui sont graphées. Les valeurs prédites en 90, 99 et 2008. Donc on voit que tous les groupes sociaux évoluent en parallèle et soutiennent davantage l'État à l'échelle de l'Union européenne. Alors la question qu'on peut se... les écarts entre eux restent... Mais que les écarts restent extrêmement importants et que les écarts restent stables. Donc ça valide la thèse des publics parallèles, les gens évoluent dans le même sens. Mais en revanche, des groupes sociaux restent très divisés, les écarts se maintiennent et les écarts sont effectivement simplement translatés. La question suivante, c'est, d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau des pays? Et vous l'avez sur la figure 8, au niveau agrégé. Alors, la figure 8, elle nous raconte à peu près la même chose que les figures suivantes, dans la mesure où la majeure partie des États deviennent plus interventionnistes, soutiennent davantage. Enfin, les personnes interrogées dans la majeure partie des États de l'Union européenne soutiennent davantage l'État. Pas les erreurs écologiques qu'on fait facilement. Si on regarde donc les 23 des 27 pays de l'Union européenne analysés, on voit que c'est le cas dans 19 pays. Donc 19 des 23 pays de l'Union européenne, la demande d'État est plus importante. Ça n'est pas le cas en Bulgarie, ça n'est pas le cas au Portugal, ça n'est pas le cas en Roumanie, où là, la demande d'État, elle est soit... la pente est soit plate, soit légèrement déclinante, mais c'est surtout le cas en Grande-Bretagne, où il y a davantage de rejet d'État en 2008 qu'en 90. Alors ça s'est confirmé quand on va regarder les résultats du British Social Attitudes, par exemple, qui livre chaque année un rapport sur l'évolution des opinions des Britanniques à l'égard de l'État, et les derniers rapports du BSA montrent que les Anglais rejettent l'État. Donc c'est avéré dans la littérature. Le graphique très moche qu'il y a en dessous, en bas, c'est le graphique qui cumule les pentes des droites de régression par pays. Alors, il nous donne un petit élément d'information qui est assez intéressant. Vous voyez que l'éventail, il est plus ouvert à gauche en 90 qu'en 2008. Alors ça, ça peut se valider empiriquement à travers le coefficient, la covariance des pentes et des constantes, mais on ne va pas parler de la covariance des pentes et des constantes. Bon, autrement dit, les différences entre pays tendent à diminuer entre 99 et 2008. Autrement dit, les pays se ressemblent de plus en plus du point de vue de leur soutien à l'État, uniquement du point de vue de leur soutien à l'État. Quel modèle est-ce que vous avez ? Alors, un modèle multiniveau dans lequel j'ai estimé des pentes et des constantes aléatoires. Et j'ai mis une constante aléatoire sur la vague d'enquête. Précisément pour faire varier selon les pays. Les modèles suivants sont des modèles dans lesquels j'ai estimé des variables de niveau macro et des effets d'interaction entre les variables micro et les variables macro, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir ce chapitre-là. Je vous propose une petite conclusion. Oui, une petite conclusion. Le bon sens populaire nous dit que les Européens sont averses au capitalisme, que les Européens, ou a fortiori les Français, ont une passion pour l'égalité. Les résultats que je vous ai présentés infirment le sens commun dans la mesure où les attitudes économiques des Européens ne sont pas aussi consistantes qu'on aurait pu l'imaginer. Même si les Européens soutiennent de plus en plus l'État, même s'il y a quelque chose comme une défiance croissante à l'égard du capitalisme, les Européens ne sont pas idéologiques. Ils ne perçoivent pas les préférences libérales et les préférences antilibérales comme étant exclusives. Alors ce résultat, il est particulièrement intéressant parce qu'il peut être rapproché de plusieurs études qui ont été faites aux États-Unis et qui montrent que les Américains non plus, ils sont pas le préjugé, le stigmate se renverse, le préjugé se renverse. On croit que les Américains sont des bons libéraux, non. Il y a plusieurs sociologues comme Bartels, Page et Jacobs qui ont montré que les Américains sont des... Page appelle ça des conservatives égalitariennes. Donc, les Américains, eux aussi, mixent un conservatisme philosophique avec un libéralisme, au sens américain, pratique. Donc, les Européens ne sont ni plus ni moins consistants que les Américains et sont, en quelque sorte, non idéologiques. Alors, le deuxième résultat important, c'est les résultats sur lesquels on est passé un petit peu vite sur la figure 6 et la figure 7, confirment la littérature qui montre que les sous-groupes évoluent plutôt de manière similaire et plutôt de manière uniforme dans le temps, en changeant leur opinion au même moment, dans la même direction et à peu près dans les mêmes proportions. Donc ça confirme la littérature sur les similarités dans les changements de l'opinion dans le temps. Reste que, comme Olivier l'a souligné, on peut observer des différences, des écarts extrêmement importants qui sont translatés entre certains groupes. Et on observe notamment des écarts importants entre les gens qui sont sans emploi et personnes qui sont à leur compte et des écarts extrêmement importants, d'à peu près même amplitude, entre les gens de gauche et les gens de droite. Alors, ce résultat il est particulièrement intéressant parce qu'il y a toute une partie de la littérature qui nous dit que les clivages idéologiques en Europe sont déclinants, que les clivages idéologiques n'importent plus. Enfin, c'est Clark et Lipset, par exemple, qui, dans la vieille Europe, il n'y a plus de différence idéologique. Les résultats montrent que les orientations symboliques jouent. Elles se combinent de manière complexe avec les intérêts personnels, mais elles jouent, et elles jouent même très fortement pour les Européens quand il s'agit du soutien à l'État. Alors, la question qu'on peut se poser, ce sera l'avant-dernier point de conclusion, la question qu'on peut se poser, c'est les gens de gauche et les gens de droite deviennent plus interventionnistes, mais est-ce qu'ils le deviennent pour les mêmes raisons ? Je n'ai absolument aucun élément de réponse à donner à cette question, à apporter à cette question-là. Et des entretiens qualitatifs permettraient d'aller plus en profondeur sur quel est le sens de ce sens ? Les gens bougent dans le sens du plus d'État, mais quel sens on donne à la responsabilité de l'État en temps de crise quand on est à son compte ou quand on est sans emploi, quand on se situe à gauche, quand on se situe au centre, quand on se situe à droite ou quand on ne se situe pas. D'accord ? Les données n'apportent absolument aucun élément de réponse qui permettrait de dire les gens bougent dans le même sens, au même moment, dans les mêmes proportions, mais pour les mêmes raisons. C'est la thèse de Page et Shapiro, pour les mêmes raisons. C'est très difficile, à mon avis, de la valider empiriquement, c'est même complètement impossible. Et dernier élément de conclusion, alors ces résultats, ils sont intéressants pour les élites politiques ou pour les faiseurs de politique, parce qu'il me semble qu'ils nous permettent de comprendre pourquoi la question de l'État ou ou du retrait de l'État, c'est une question très controversée en Europe. On pourrait être tenté de dire les gens demandent plus d'État, bah finalement c'est une espèce de riposte à ce qu'on pourrait appeler le consensus libéral des élites politiques. L'Europe est contre nous, les élites sont contre nous, les élites diminuent l'État, diminuent les prestations sociales. Il est tentant de voir là-dedans une forme de riposte, de réplique à ce consensus libéral des élites politiques. La tentation serait, ne serait pas fondée. Il me semble que ce que les résultats montrent, c'est que ces publics qui sont parallèles ne sont pas pour autant des espèces de majorités silencieuses. L'opinion publique des Européens reste très composite. Ces publics qui bougent parallèlement ne sont pas des majorités. Précisément parce que c'est très composite. On ne peut pas dire qu'il y a une grande vague antilibérale qui submerge l'Europe, qui submerge les Européens. D'abord parce que ce n'est pas une vague, ça augmente tendanciellement, mais ce n'est pas majoritaire, et surtout ce n'est pas majoritaire partout, et aussi c'est très composite. Du coup, ce qui est en jeu ici, c'est peut-être pas tant l'idée qu'il y aurait un gap grandissant entre les attentes des citoyens et la capacité des élites politiques à y faire face. Ce qui a peut-être en jeu dans cette montée des attentes à l'égard de l'État, c'est peut-être plutôt comment les élites politiques peuvent y répondre, c'est-à-dire peuvent répondre à ces attentes plus fortes à l'égard de l'État sans contrarier ce avec quoi ça se compose, sans contrarier les préférences non libérales, les préférences conservatrices des Européens en matière économique. Donc il y a une combinaison, et l'enjeu pour les élites, c'est pas tant de pencher dans un sens ou de pencher dans l'autre, que d'arriver à satisfaire dans l'écriture des politiques publiques, dans la mise à agenda des thématiques, ce caractère non idéologique des préférences économiques des Européens. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Bon, la parole est à la juste une petite question au sujet empirique de ces déplacements tendanciels, puisque vous avez commencé par parler de, éventuellement des effets de la globalisation. Alors, est-ce que ce que vous observez, vous l'attribuez à une sorte de communication plus grande entre les États et des effets multiples de la globalisation, ou est-ce que est-ce que vous avez des données empiriques plus historiques sur l'évolution un petit peu des changements tendanciels qui confirment que ces changements sont observables dans d'autres périodes historiques, ou est-ce que simplement vous avez des hypothèses sur ça? La globalisation en quel sens? Le fait que finalement les politiques dépassent plus ou moins les pays, hein, et finalement deviennent internationales. Alors est-ce que ce phénomène explique en partie ces changements tendanciels qui sont assez corrélés, ou est-ce que d'après vous c'est d'autres phénomènes plus généraux et qu'on observe aussi bien et qui expliquerait qu'on observe aussi historiquement éventuellement des corrélations tendancielles dans les changements? Il me semble que l'une des thèses qu'on peut trouver sur le marché intellectuel, au moins sur le second marché intellectuel, sur le marché médiatique, c'est la thèse selon laquelle la globalisation, elle entraîne une uniformisation des attitudes économiques et qu'elle entraîne plus d'adhésion au capitalisme. Clairement, cette thèse-là, elle est invalidée par les données, puisqu'on observe pas quelque chose qui est de l'ordre de l'uniformisation des attitudes économiques, mais plutôt des progressions parallèles, qui ne tendent pas à l'uniformisation, parce que ça ne converge pas. Donc ça ne converge pas, c'est pas de l'uniformisation, et surtout, ça ne converge pas dans le sens du plus grand libéralisme économique. Ça converge à l'inverse, dans le sens d'une demande croissante d'État. Donc, ça conduit aussi à, d'une certaine manière seulement, à nuancer des hypothèses du type post-matérialiste à la Engelhardt. Plein de lectures possibles du post-matérialisme, mais une lecture très plate, ça consisterait à dire que en devenant avec la modernité, avec la globalisation, les gens s'affranchiraient du besoin de sécurité matérielle, donc s'affranchiraient de l'État et du besoin de l'État, donc deviendraient post-matérialistes en soutenant moins volontiers l'État. Clairement, cette thèse-là est invalidée. Même si on peut avoir une lecture plus complexe du post-matérialiste et de dire que oui, mais les post-matérialistes diplômés du supérieur sont aussi des consommateurs d'État et donc vont davantage soutenir l'État. Il me semble que ce que ça montre, c'est que en 2008, alors la demande croissante d'État, elle nous dit que des attentes matérialistes, l'État me protège, peuvent tout à fait coexister et cohabiter, surtout en temps de crise économique, avec des attentes post-matérialistes, satisfaction de soi, de son personnel, etc. Et sur le plan des déplacements historiques des opinions, est-ce que vous avez des données empiriques sur les... Ah, hélas non. Hélas... Il y en a. Toi, tu les as pas, mais il y en a. Alors, pas à l'échelle européenne, pas en France, aux États-Unis où il y a un General Social Survey depuis les années 70, avec une enquête tous les ans, ils font des choses extrêmement fines, extrêmement précises, ça s'appelle le Policy Mood, où on suit d'année en année les variations de l'opinion économique depuis les années 70. Malheureusement, on n'a rien de tout ça, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle de la France. Moi, j'aurais une question sur... Un peu général sur, au fond, la variable à expliquer, que tu appelles demande d'État. Et ça me semble quand même un peu réducteur. Et du coup je me demande si ça biaise pas quand même un petit peu l'interprétation, parce que, une fois, tu l'as dit au début de ton exposé, les attitudes des Européens, elles sont en fait très composites. Parce qu'il y a à la fois une adhésion qui reste très très forte quand même, au fondement de l'économie de marché, à la concurrence, que les individus doivent faire des efforts par eux-mêmes, etc. Ça reste très très fort. Et ça se combine à une demande d'État pour, on a l'impression, un peu corriger les excès du marché. Au fond. Voilà, donc, un modèle tout à fait social-libéral. Je crois que tu le dis un peu dans ton article. Donc, traduire ça par simplement demande d'État et du coup penser toute l'interprétation, si tu veux, sociologique et politique en fonction de cette définition de la variable qu'on veut expliquer, ça me paraît un peu réducteur. Et du coup, la sophistication de l'analyse me semble un peu obéré par le fait que ce qu'on cherche à expliquer est finalement un peu binaire, quoi. Tu vois ce que... Oui, complètement, oui. Voilà. Oui, alors c'est le problème classique, comment est-ce qu'on qualifie une échelle factorielle? Alors, quand on regarde quand même, c'est le ce que tu pointes, c'est ça, hein. Quand on regarde le tableau 3, on voit quand même très, très clairement que cette échelle, c'est du pro et du anti-État. On peut l'appeler demande d'État. On voit très clairement l'item qui est le plus fortement corrélé. C'est l'État prend en charge les individus. Le deuxième item corrélé, c'est la propriété privée des moyens de production. Et le troisième item, c'est pro-anti-compétition. Donc c'est un axe qui, très clairement, fait signe vers du pro-anti-étatisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je l'ai interprété demande d'État. Non, mais bien sûr, puisque c'est une analyse factorielle, et qu'une analyse factorielle, effectivement, ça fait ça. Enfin, ça, évidemment, c'est presque par construction. Oui. Ça fait ça. Mais quand on regarde de façon plus approfondie, item par item, c'est très item par item, et quand on regarde les croisements, etc., on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Et qu'en fait, c'est justement, c'est des combinaisons assez... Voilà. Donc, ce qui sera peut-être intéressant, c'est de réfléchir aussi à des combinaisons d'attitudes un peu plus... je ne sais pas. Parce que j'ai fait dans le papier, effectivement, pour la RFS, où j'avais mis d'autres items, des items de confiance, et la deuxième dimension qui sort de l'analyse en composante principale, c'est une dimension de confiance, et on voit que la demande d'État et la demande de la défiance-confiance se combinent de manière très complexe dans les pays. Vas-y, Pierre. Je me demande si c'est une question ou deux questions. Alors, une question. Tu as dit que globalement, ce qui était plutôt explicatif sur ces évolutions, ce que tu raisonnes sur les évolutions, ce sont les différences intranationales ou intra-européennes en fonction des différentes variables et pas tellement les spécificités culturelles des différents pays. Tu isoles néanmoins une spécificité culturelle des pays du Nord qui sont quand même globalement plus consistants, suivant ton expression. Hein. C'est-à-dire que leurs réponses sont plus convergentes. Donc il y a quand même une dimension culturelle dans ton propos. Et du coup, ma question, et alors ça c'est un point que tu n'as pas traité, me semble-t-il, puisque tu t'intéresses plutôt aux évolutions. On peut le raisonner à partir des évolutions, mais moi je raisonne plutôt en valeur absolue, enfin, du moins en valeur absolue maintenant, hein, ou en 2008 par exemple. Est-ce qu'il y a une corrélation forte entre les pays où il y a une intervention très importante de l'État, et là il y a une très grande inégalité des pays de ce point de vue, avec justement les pays du Nord et la France tout à fait au-dessus, puisqu'ils ont 55 ou 56% de leur PIB qui passe par l'État, et les pays qui sont beaucoup plus faibles, est-ce qu'il y a une corrélation forte entre la demande d'État et cette réalité? Alors, pour répondre aux deux questions, la première... Ils sont liés, puisque du coup, ce sont un petit peu les mêmes pays, en fait, à part la France. La première, j'ai pris beaucoup de précautions avec les thèses culturalistes, et en parlant des pays du Nord, il me semble que j'ai plutôt plaidé en faveur des thèses institutionnalistes et néo-institutionnalistes. Autrement dit... C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une interprétation de la spécificité culturelle à partir d'un mécanisme qui renforce un certain type de représentation. C'est pas culturaliste brut, c'est-à-dire qu'il y aurait juste de la variation comme ça. Tu donnes l'explication de cette variation. Mais bon, qu'il y a quand même une variation culturelle, de fait. Même si elle peut s'expliquer par des mécanismes institutionnels. Oui. Donc il y a quand même une différence culturelle dans les pays sur la demande d'État ou pas. Il y a effectivement des différences entre pays, mais les différences entre pays sont beaucoup plus faibles que les différences entre individus, et on le voit d'ailleurs sur la figure avec toutes les courbes par pays. Quand on regarde en valeur absolue, c'est beaucoup plus faible. Est-ce que ça garde une sorte de spécificité de ces pays du Nord ou pas? On en a une idée en regardant la France et le Danemark sur le tableau. La France et le Danemark, ou la France et la Finlande qui est juste à côté, c'est la courbe à la même pente, et puis les valeurs sont pratiquement les mêmes. La France est un peu au-dessus de la Finlande. Ça, c'est les évolutions. Ma question porte plutôt sur... mais c'est pas ton sujet. Les écarts à un point. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des variables macro qui peuvent influencer ça? Alors, c'est ce dont j'ai malheureusement pas eu le temps de vous parler, mais c'est ce qui est estimé dans le modèle 5. Dans le modèle 5, j'ai introduit la valeur du coefficient de Gini et son évolution depuis 90, parce que c'est difficile de trouver avant, et j'ai aussi introduit le montant des dépenses sociales et l'évolution du montant des dépenses sociales depuis 2000 pour voir si ça modulait le soutien à l'État en fonction des pays. Alors, oh là là, c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas de réponse claire. Si, il y a une réponse. Il y a une réponse claire qui va permettre de donner un élément de réponse supplémentaire à la question d'Olivier. Pourquoi est-ce que c'est demande d'État? Parce qu'on peut faire l'hypothèse que je fais, que je teste dans le tableau 5, c'est que cette demande d'État, elle répond à ce qui est perçu comme une montée des inégalités sociales. À une montée des inégalités ou à ce qui est perçu comme tel. Et cette hypothèse-là, on peut essayer de la tester en introduisant dans la modélisation des indicateurs un peu frustes de l'évolution des inégalités sociales, qui est le coefficient de Gini. Et on voit qu'effectivement, les pays où, là où les inégalités sociales sont fortes, la demande d'État va être plus forte. Ça marche dans le modèle, c'est très significatif. On peut aussi introduire les dépenses de protection sociale. Et là, on voit des choses un petit peu plus amusantes, qui est dans les pays où les dépenses de protection sociale sont fortes, la demande d'État va être tendanciellement plus faible. Et là, on rejoint des théories qui sont les théories de la responsiveness, les théories de la réponse démocratique, l'idée du, l'idée du thermostat, l'idée que l'opinion publique serait un thermostat et s'ajusterait à l'évolution des politiques publiques. Donc quand les politiques publiques sont plus libérales, l'opinion publique devient plus interventionniste, si c'est libéral en sens français, et inversement. Donc sur les dépenses sociales, ça marche relativement bien. L'opinion s'ajuste et demande moins d'État quand l'État intervient, ce qui confirme les théories thermostatiques. En revanche, pour les inégalités, là où les inégalités sont importantes, la demande d'État est d'autant plus forte. Si cette théorie était vraie, on serait à un niveau égal partout, ce qui n'est pas la théorie est fausse. Oui, donc ton modèle explicatif, groupe en parallèle, demande d'État, il est homogène sur tous les pays. Oui. Mais interprété par chaque pays, on va retrouver des clivages historiques, des clivages de valeurs. Donc l'intérêt, c'est ton modèle. Tu combines des groupes en parallèle. Mais la question des groupes en parallèle, c'était posée par vous. Je ne sais pas si c'est lié à la méthode, évolution de valeurs en longue durée, donc des séries chronologiques. Donc c'est des groupes de valeurs qui évoluent en continu. Ce n'est pas des groupes substantiels, tu n'as pas d'autres critères pour tester ces groupes-là. Quoi. C'est un peu lié à la méthode. Oui. Donc ton interprétation supplémentaire, c'est uniquement les convergences valeurs post-mentalistes, l'évolution des valeurs économiques, évolution des relations en État pour régler les demandes d'État, parce que c'est un peu connoté. Mm-hmm. Donc des évolutions parallèles. Quoi. Oui. L'État reste abstrait, parce que la question brutale, c'est demande d'État sui generis, quoi. Protecteur, régulateur, coordinateur, ou État national ou État européen. Là, tu pourrais. Absolument. D'autres questions. Oui, oui. Quel État ? Oui. Reste que l'intérêt, c'est quand même ton modèle, quoi. Des groupes en parallèle par rapport à une de forme d'État qui est peut-être un peu faible, mais qui est là, quoi. Parce que si on tient un raisonnement harmonique, les groupes sont en parallèle au niveau des évolutions de valeur, pas uniquement les modernisations post-paternistes, mais aussi économique, sociale, égalité, même si égalité vient des fois corrigée et congruent ou pas avec l'État, induit l'idée d'un État européen, d'une demande d'État européen. Mais c'est trop fort comme hypothèse. Donc faut... Plus d'État, ça peut effectivement vouloir dire ça, mais là, les données ne permettent pas de le dire. Non, mais inversement, l'idée d'État, c'est celui qui permet au groupe d'évoluer parallèlement. Oui. D'assumer les différentes modernisations. Tu vois, tu peux retourner le raisonnement et trouver l'idéologue, l'idéologie qui... Mais l'entrée de base, c'est quand même les groupes évoluant en parallèle, et ça, il faut le tester plus, ou le croiser avec d'autres variables, quoi. Notre cas, évidemment. Oui, rapidement, juste deux questions rapides. La première sur la figure, donc tu as insisté beaucoup sur le fait que tu penses qu'au niveau macro, il n'y a pas de convergence sur les évolutions parallèles. Et à supposer que le modèle qui est derrière la figure 8 soit vrai, ou en tout cas qu'il ne contienne pas de simplification excessive, ce qui n'est vraiment pas le cas, mais peu importe, les pentes que tu représentes là, ils sont plutôt dans toute la question qu'il y a une convergence. À part le Portugal et le Royaume-Uni. Oui, au niveau pays, oui. Oui. Donc, comment tu dis l'idée que non, il n'y a pas de convergence, et sur une date bien spécifique, de la dimension factorielle, etc., il y a quelque chose qui rassemble un rapprochement entre les deux. Puis la deuxième question, c'est plutôt une remarque qui porte sur le point de Pierre, qui est un point important. Je pense que l'ambiguïté vient du fait d'une mauvaise interprétation des modèles multiniveaux, qui est fréquente dans la littérature à laquelle tu fais référence. Et la mauvaise interprétation est la suivante. Le fait qu'un modèle multiniveau sépare, décompose la variabilité qui relève des individus et l'environnement qui relève des pays, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variabilité d'une nature quelconque entre les pays. Tu retrouves que 97% de variabilité concerne les individus, n'empêche qu'il y a des individus qui se regroupent dans certains pays, ce qui explique le fait que tu as 97% de variabilité intra-individuelle. Mais le fait que certains individus se regroupent dans certains pays, lui, peut avoir une interprétation culturelle. Donc le fait que tu aies 3% de la variabilité qui statistiquement revient au pays, aucunement signifie qu'il n'y a pas une interprétation possible de nature culturelle ou institutionnaliste de cette variabilité. Est-ce que vous me faites comprendre? Oui. C'est oui. Simplement que je pense que le passage ne oui. peut pas se faire. Parce que la variabilité en question, la décomposition de la variabilité en question est une composante statistique, non pas substantielle. Donc, toutes les variétés que tu retrouves viennent précisément du fait que tu as un tas d'individus qui disent X sur aux Pays-Bas et un tas d'individus qui disent Y en Italie. Et ceci explique 97% des variétés individuelles. Mm-hmm. N'empêche que cette variété-là doit être expliquée. Elle peut expliquer son culturel institutionnel. Mais c'est pas, tu ne peux pas utiliser le fait que le 3% des variétés interpays pour dire que le facteur, l'homogénéité culturelle institutionnelle n'explique pas ce que tu observes. C'est simplement un saut de l'intervention statistique substantielle. Il me semble, tu me prêtes des propos que je ne semble pas avoir eus. J'ai simplement souligné, en comparant les variances inter et intra, que les variations entre individus étaient plus fortes que les variations entre pays. Et non, mais tu en as déduit que ceci justifie l'idée que. Et je dis que ça a des moments à contredire les thèses culturalistes. Ceci étant pour, sur le premier point, les groupes et les pays, les variations entre individus sont d'amplitude plus importantes que les variations entre pays. Alors c'est la figure 9 que j'ai pas eu le temps de détailler dans lequel je vous. Il faut aussi estimer l'intensité des coefficients, l'intensité des pentes. On voit que ça bouge, mais là, ça représente quoi, cette intensité de pente? Et c'est aussi la question de poser Gilles. Une surprise, c'est de voir que ça bouge. Enfin, tous les gens qui travaillent sur les valeurs disent que les valeurs, ça bouge pas. Et là, ça bouge. Donc la question intéressante, c'est est-ce que ça bouge beaucoup? On a fait d'illusions d'optique. Hein, c'est un graphique, on a zoomé, c'est des coefficients, on voit que ça bouge. Mais est-ce que la pente est plate? Qu'est-ce que ça représente comme pente? Alors. Je regarde dans mes chiffres parce que j'ai plus ça exactement en tête. Pour vous donner une idée des différences entre les groupes sociaux, d'accord, des écarts en termes de coefficients, les pentes des droites de régression, de combien elles s'écartent. Les pentes des droites de régression, elles s'écartent alors si on ramène sur une échelle en 10 points, ça représente des écarts de 2,5 sur une échelle en 10 points entre les gens de gauche et les gens de droite. En termes de valeur absolue, ça représente ça sur une échelle en 10 points. Okay. Donc les écarts entre les groupes représentent un quart sur une échelle. C'est pas ma question. Ma question portait sur la convergence entre les pays. Oui, mais j'y viens. J'y viens. Si on regarde des situations un petit peu plus concrètes que les valeurs moyennes et qu'on regarde les différences entre une femme employée de gauche et un homme à son compte de droite, sûr de maximiser les dissonances. Là, l'écart, il est de l'ordre de 5 points, l'équivalent de 5 points sur une échelle en 10 points. Si on regarde les écarts entre pays, ils sont beaucoup plus faibles. Je ne les ai plus exactement en tête, mais ils sont de l'ordre de 1 point sur une échelle en 10 points. Okay. Pourquoi est-ce que le Portugal baisse? Pour quelle explication? Enfin, ça devrait. Le Royaume-Uni, on peut imaginer une culture libérale. Non. Je pense que là, c'est un peu off, mais la demande d'État baisse en Grande-Bretagne parce que l'État. J'ai vu ça en analysant le deuxième facteur, demande d'État, demande d'égalité. Comment est-ce que ça se croise? On voit qu'en Grande-Bretagne, la demande d'État descend, mais la demande d'égalité monte. Ça veut dire que l'État n'est pas perçu comme légitime pour garantir l'égalité. Et au Portugal, ça baisse aussi, de la même manière, ça se croise, et aussi, il y a une baisse de la confiance très forte au Portugal. Donc, la demande d'État, elle est peut-être là, mais elle est empêchée par un déficit de confiance dans l'État. C'est une interprétation. Oui, il faut bien. De manière peut-être corrélée à votre hypothèse sur l'évolution des inégalités qui expliquerait certains changements dans le ciel, il y a aussi cette expérience de la libéralisation de certaines. Il y a eu une plus grande. Un affaiblissement de l'État et donc une expérience faite avec des convenus qui aussi expliquent. Des convenus qui sont pas. Qui ne se traduisent pas seulement en termes d'inégalité, mais en termes d'efficacité. Donc, aussi, une évolution, voilà. Effectivement, plus d'État, mais quel État? Ok. Bon, il y a d'autres questions? On verra ça dans les élections. Bon. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. pour ce travail vraiment passionnant. Oui, ça m'amuse de plus en plus. Allez, merci. Demain.